14-21, activation orale, le temps qui passe. Répondez selon l'exemple. Vous entendez? 1. Mireille va à la fac le jour? Et vous répondez? Oui, elle passe la journée à la fac. 2. Robert va au cinéma le soir? Oui, il passe la soirée au cinéma. 3. Les amis de Mireille vont au Luxembourg l'après-midi? Oui, il passe l'après-midi au Luxembourg. 4. Ousmane va à la Bibli le matin? Oui, il passe la matinée à la Bibli. 5. Robert va au quartier latin la nuit? Oui, il passe la nuit au quartier latin.